Agathoclès, ou Lettres écrites de Rome et de Grèce, au commencement du IVe siècle, de Caroline Pichler, tome deuxième. Lettre 54e. Sulpici à Théophanie. Saint-Hyome, novembre 302. Ta lettre, ma chère Théophanie, a fait autant de bien à mon cœur qu'un frais ombrage en fait à un voyageur brûlé par un soleil dévorant, épuisé de fatigue. La joie d'avoir rencontré une amie qui me comprend, dont le cœur sympathise avec le mien, qui sera indulgente, patiente avec moi et pour mes faiblesses, se fit déjà sentir à mon cœur dès le moment où je vis couler tes larmes. Tu me parus comme une étoile bienfaisante qui venait éclairer l'obscurité de ma vie. Dès ce premier instant, mon âme se trouva liée à la tienne, et j'aurais voulu qu'une confiance mutuelle s'établît entre nous. Mais la crainte de te paraître indiscrète et de perdre dans ton opinion me retint de te le demander. Ta lettre ne m'en a fait que plus de plaisir. Elle m'a donné l'assurance que nos cœurs sympathisent ensemble, qu'un attrait caché nous a réunis et que je puis compter sur toi comme sur une véritable amie. J'aime Calpurnie parce qu'elle est véritablement aimable et que, sous une apparence de légèreté, elle possède un cœur excellent et dévoué à une amitié dont elle m'a donné les plus fortes preuves. Mais elle est gaie, elle est heureuse, elle rit sans cesse. Et toi, Théophanie, tu pleurais avec moi, et tu connais aussi le malheur. Oui, c'est une vérité de tous les temps, que des rapports dans les circonstances et la même manière de voir et de sentir font naître l'amitié et l'affermissent pour la vie. Comment serait-il possible que l'être heureux à qui tout réussit, qui se réchauffe sans cesse au soleil de son bonheur, pût sentir comme l'infortuné que le sort implacable a placé dès le berceau à l'école du chagrin et des privations. Le monde et tout ce qu'il contient doivent leur paraître sous un jour si différent que l'on ne peut se flatter de former ensemble un attachement qui soit capable de résister au temps et aux orages de la vie. Aussi longtemps que l'un ou l'autre n'est pas mis à l'épreuve, soit par un conseil difficile à donner ou à suivre, soit par un sacrifice généreux, l'amitié n'éprouve aucune secousse, et l'on croit à son existence éternelle. Mais l'épreuve arrive-t-elle, alors la différence d'opinion et de goût, la différente manière d'envisager le bonheur, brise sans peine un lien illusoire. Heureux les amis dont l'âme est à l'unisson, et que les mêmes malheurs, les mêmes joies, les mêmes désirs ont unis, qui n'ont pas besoin de se sacrifier leur opinion, et qui suivent sans effort la même route. Lorsqu'elle est pénible, comme elle l'est pour nous deux, chère Théophanie, nous pouvons encore trouver dans nos cœurs un dédommagement. Nous sentons plus vivement que ceux qui jouissent d'autres bonheurs, celui d'une tendre amitié. Aucune pensée ne nous en a distrait. La vanité ne nous induit point à vouloir briller aux dépens de nos compagnes. Aucune idée de conquête ne nous met en rivalité avec nos amis. Nous ne cherchons qu'à retenir de toutes nos forces l'objet aimé. Ne connaissant pas de plus grand malheur que de le perdre, soit par la mort, soit par l'inconstance. Oh, ma chère Théophanie, voilà le seul vrai malheur de cette vie, tout le reste est félicité. Je ne connais pas entièrement ton sort, mais je suis tenté de l'envier. La mort t'enleva ton époux, celui qui sans doute était tout pour toi, et si j'en juge par ton âge et par ton deuil, dans le temps même où votre amour était dans sa fleur, et votre bonheur réciproque, j'ai vu que tu l'aimais encore, quoique l'urne fatale le couvre, mais tu espères, d'après ta religion, de le retrouver dans les régions célestes. Heureux mortel, votre amour a survécu à votre union, à votre existence, la mort même n'a pas eu le pouvoir de vous séparer. Oh, malheur à ceux dont la vie survit à l'amour, lorsque l'un des deux, froid et glacé, reste à côté de celui qui brûle encore, pouvant à peine se rappeler l'enchantement qui l'avait entraîné. Lorsque ce feu que vous aviez allumé dans son cœur et qui vous élevait au bonheur des dieux s'affaiblit peu à peu et s'éteint enfin complètement. Lorsqu'on ne vous témoigne plus qu'une amitié faible et chancelante, qui n'est due peut-être encore qu'à la pitié. Lorsque celui qui est resté fidèle cherche en vain à rallumer cette flamme avec le feu qui le consume et que chaque instant, chaque minute, lui fournit une preuve nouvelle qu'elle est anéantie. Lorsque son cœur brûlant, froissé, déchiré, ne rencontre plus qu'un cœur de marbre, ah, c'est alors qu'on est vraiment malheureux, qu'on sent toute la violence d'un chagrin dévorant, inextinguible, qui mine la vie et ne vous laisse d'autre consolation d'autre espoir que de penser qu'il sera le dernier qu'on éprouvera. Il paraît, ma chère amie, que tu as donné trop d'extension au badinage que nous nous sommes permis en ta présence sur le prochain mariage de Calpurnie. Elle n'est pas même fiancée, et jusqu'à présent elle n'est que l'amie de l'homme dont tu as vu le portrait. Qu'elle ne lui soit pas du tout indifférente, c'est ce qui n'est pas douteux. Mais qui ose compter sur les hommes? À peine même ose-t-on dire que celui-ci ait un cœur à offrir. Il n'y a pas longtemps qu'il a perdu par une mort tragique une femme qu'il aimait depuis sa jeunesse avec une force incroyable. Et il a d'abord senti très vivement cette perte. Mais il commence à l'oublier auprès de la séduisante Calpurnie et, sans s'en douter peut-être lui-même, il cède au pouvoir irrésistible que cette charmante personne exerce sur tous ceux qui la voient, sans perdre elle-même sa liberté. Mais cependant, je crois qu'auprès d'Agathoclès, son heure a sonné. J'en suis charmé. Il lui manquait pour moi de connaître l'amour. Il y a toute apparence qu'elle n'en connaîtra que les douceurs. Rien ne peut mettre obstacle à leur union, et lorsque le temps aura tiré son voile sur le passé, je ne doute pas qu'elle n'ait lieu. Je vois arriver ce moment avec une joie que tu comprendras et que tu partageras, mais tu vois qu'il m'est impossible de t'en fixer le moment. Agathoclès est à Nisibis avec César pour y attendre la fin des négociations. Nous n'espérons de le revoir que dans un mois ou plus tôt. Peut-être qu'alors je pourrai t'en dire davantage. Je ne manquerai pas de témoigner à Calpurnie l'intérêt que tu prends à son sort. Je sais qu'elle aura du plaisir de se savoir estimée d'une personne que l'on voit d'abord n'être point une femme ordinaire et qui, lorsqu'on la connaît mieux, répond à tout ce qu'elle promet. Quant à ta demande, je puis te dire, au nom de mon ami, qu'elle t'est accordée d'avance. Je te prie donc de me dire ce que c'est. Théophanie ne peut rien demander que ses nouvelles amies ne se fassent un plaisir d'y souscrire.